Après tant d'années, je ne sais plus quoi penser, ni vraiment comment faire. Je ne sais vraiment plus comment me comporter avec toi, ni pourquoi je t'aime. Mon amour pour toi est toujours présent, mais je ne sais plus comment t'aimer. Je me suis efforcée à être à ton image, mais cette vie-là, je ne peux plus la supporter. Je pensais que tu pourrais changer, mais c'est en vain, et je me suis vraiment trompée. Pourquoi on en est arrivé là? Je ne le sais pas, même pas moi-même. Tu étais toujours loin. J'ai vraiment envie de penser qu'un jour tu seras différent, car j'ai vraiment envie de t'aimer. Mais depuis plusieurs années maintenant, ton regard n'est vraiment plus le même. Mon âme est déchirée et je suis déprimée de savoir que j'ai perdu autant de temps. Mon désespoir est réel, immense. Je meurs à petit feu, mais je m'efforce de m'en sortir. J'aurais souhaité que tu m'aimes, que tu sois là pour moi, que tu m'aimes pour qui je suis. Pourquoi n'as-tu pas su m'aimer? Je ne le sais pas. J'aurais voulu tant de choses. Mon amour, je te déteste. Oui, je te déteste. Je te déteste tellement que je t'aime. Mon amour, je veux que tu me reviennes et que tu t'en ailles. Je veux que tu partes, que tu partes aussi loin. Tu n'as pas su me montrer le plus important. Tu n'as été qu'un macho qui se regarde. J'ai envie de pleurer, mais je n'y arrive même plus. Mes larmes ne veulent plus sortir. Je me suis vidée de mes larmes, et je suis devenue une personne que je ne suis pas. Du coup, je ne sais plus si tu as un cœur ou une pierre à la place, si tu es un homme. Je veux que tu sois là, et en même temps loin de moi, que tu m'aimes et que tu t'envoles. Mon amour, je te déteste. Je te déteste tellement que je t'aime. Mon amour, reviens-moi. Oui, reviens-moi et envole-toi. Je veux que tu comprennes que la limite est très mince entre l'amour et la haine. Tu n'es qu'un égoïste qui se regarde et qui pense qu'à toi-même et jamais aux autres, qui se soucient de rien. J'avais l'impression d'être en cage, d'être emprisonné par ta jalousie infernale. Je préfère te quitter malgré que mon amour est présent pour toi. Donc je te le dis là. J'ai envie d'avoir une vie sereine, de m'épanouir, de continuer ma vie avec le sourire. Je te le dis là, je te quitte, mon amour, malgré moi, car je ne veux plus te détester ni te haïr. Oui, je te le dis là, je veux plus. Je t'aime, je te déteste. déteste. Je te déteste tellement que je t'aime. Mon amour, reviens-moi. Oui, reviens-moi et envole-toi. Mon amour, je te déteste. Je te déteste tellement que je t'aime. Mon amour, reviens-moi. Reviens-moi et envole-toi. D'être en cage.